Bonjour mes frères et sœurs, et on continue ensemble l'étude du chapitre 22 de l'Évangile de Luc. On va être rendu aujourd'hui au verset 21. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu pour ton amour qui s'est manifesté en Jésus. Seigneur, beaucoup de chrétiens voudraient quasiment être convaincus que tu les aimes. Mais la preuve de ton amour, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Peu importe ce qui va arriver dans notre vie chrétienne, on ne doit jamais douter parce que la manifestation totale, infinie de ton amour pour le peuple de Dieu, c'est tu as donné ton Fils à la croix afin de nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Guide-nous encore aujourd'hui pour bien comprendre ces quelques versets que nous allons méditer. Amen. On a vu depuis deux jours que pour Théophile qui essaie de comprendre comment ce Jésus dont il entend parler 30-35 ans après qu'il soit mort, faut bien comprendre ça. Théophile n'est pas là. En tout cas, à ce qu'on sache, n'est pas là, à Jérusalem, quand Jésus va mourir. Il n'y a rien qui nous dit qu'il était en Israël même quand Jésus est mort. Peut-être qu'il était, mais je ne peux pas me fier sur des peut-être pour interpréter les Écritures. Je dois prendre le texte que j'ai pour bien interpréter les Écritures. Pourquoi est-ce que cet homme est mort et comment est-il mort? Pourquoi est-ce que tant de monde qui le haïssent? Mais en même temps, pourquoi il y a tant de monde qui l'aiment et qui le suivent? On a vu que Théophile, qui a lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 21, sait que les Juifs, les autorités juives en place, détestent Jésus. Ils haïssent Jésus. Et ça fait, il y a quasiment la moitié de l'Évangile que les autorités juives cherchent un moyen de faire mourir Jésus. Ils ont essayé par toutes sortes d'approches hypocrites, malhonnêtes, injustes, pour le piéger, pour le discréditer, pour le faire mourir. Et on a vu, Théophile sait, que les autorités en place n'ont pas de raison valable de le faire mourir. Ils n'ont rien de concret pour le faire mourir, à ce qu'il a lu dans l'Évangile de Luc. Ça contredit peut-être ce qu'il avait entendu des autres autorités romaines autour de lui, des autres autorités juives autour de lui. On a vu ensuite que Judas voulait le faire mourir à cause que Judas était bien déçu, je crois. Il était bien déçu, je crois, Judas. Jésus n'a pas été le Messie qu'il attendait. Et il était déçu et finalement il va le livrer aux autorités juive, pour quelques pièces d'argent. On a vu que pour Théophile, le fait que Satan est entré dans le décor, ça montre que derrière les autorités méchantes, derrière les injustices, derrière les ténèbres de ce monde, derrière tout ce qui est là de mauvais, il ne faut jamais oublier que des puissances ténébreuses, maléfiques, sataniques en arrière, qui veulent détruire Dieu, qui veulent détruire le royaume de Dieu, qui veulent détruire le plan de Dieu. Mais on a vu hier que Jésus, lui, désirait vivement l'arrivée de la dernière Pâque avant qu'il meure. Il savait que c'était la dernière, que la Pâque ne serait plus célébrée par le peuple de Dieu. Oh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Juifs qui ont continué à célébrer la Pâque après. Mais le vrai peuple de Dieu qui va commencer après la mort et la résurrection de Jésus, qui va commencer à la Pentecôte d'une façon officielle par la venue du Saint-Esprit, ne va plus célébrer la Pâque de l'Ancienne Alliance. C'est la dernière. Elle va s'accomplir dans le royaume de Dieu. On a vu ça. Elle s'est accomplie. Cette mort de Jésus, ce sang répandu, non pas sur le linteau des portes, mais sur le cœur des enfants de Dieu, elle s'accomplit. Et le royaume de Dieu commence. C'est pour ça qu'est venu Jésus. Établir le royaume de Dieu. Il voulait, il désirait qu'un peuple commence, qu'un peuple naisse. Un peuple d'hommes et de femmes sauvés, régénérés, soit mis en place et serve et adore son Père. C'était ça le but de Jésus. Ce n'est pas de sauver quelques personnes de l'enfer, le but. Le but, c'est d'établir un royaume. Un royaume, c'est de Dieu va régner. Dieu va être glorifié. Dieu va être exalté par un peuple qui a été sauvé et régénéré. Le but, ce n'est pas nous, c'est Dieu le but. Jésus est venu pour la gloire de son Père. Nous sauver faisait la gloire de son Père. Mais il n'est pas venu juste pour nous sauver parce qu'il nous aimait tellement, parce qu'on était tellement gentils. Non. Ce qui l'a poussé à l'action, c'est la gloire de son Père. Et ce qu'on va lire aujourd'hui va nous amener à voir une autre facette. Dans la mort de Jésus, dans le fait que Jésus a été livré à la mort, il y avait les autorités juives, il y avait Judas, il y avait Satan, il y a Jésus qui désirait, qui voulait mourir. Et là, on va voir le verset 21 et le verset 22 et 23 aujourd'hui. Prenons le temps d'y lire, si vous voulez bien. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Jésus va être livré par les autorités, par Judas, par Satan. Jésus veut mourir. Jésus, on pourrait dire, se livre lui-même à la mort. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans notre texte aujourd'hui ici. Jésus dit, cependant, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le mot livré dans ce chapitre 22 revient à plusieurs reprises. Le but du chapitre 22, c'est que Théophile comprenne tous ceux qui ont été impliqués dans le fait que Jésus a été livré à la mort. Et celui qui va me livrer à la mort est assis avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Si je suis Théophile, je me demande qui a déterminé. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Jésus, quand il dit « C'était déterminé que je sois livré à la mort. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Il y a quelqu'un qui a déterminé que Jésus devait mourir le jour de la Pâque en Israël, en l'an environ 30-33 de notre ère. Il dit, qui a déterminé cela? On va le voir en s'en allant dans le chapitre. C'est Dieu qui a déterminé cela. C'est Dieu qui avait déterminé le quand, le où, le comment. C'est Dieu de toute l'éternité qui voulait que Jésus soit livré à la mort. C'est Dieu qui avait envoyé Jésus sur la terre afin de mourir et de faire une nouvelle alliance. C'est Dieu qui désirait un peuple nouveau, un peuple de serviteurs et de servantes qui le servirait pour l'éternité. Dieu et Jésus ne sont pas des victimes des hommes. les hommes vont subir les conséquences de leur noirceur, de leur méchanceté, de leur péché. Il était déterminé par Dieu le où, le quand et le comment. Donc je suis Théophile, je dis, mais Jésus est mort, mais il y a des puissances non visibles qui sont en action. Satan est en action pour faire mourir Jésus. Les autorités sont en action, Judas est en action. Mais il y a quelqu'un au-dessus de tout cela qui a déterminé que ça se passerait de même. On voit ici la souveraineté de Dieu. Luc dit à Théophile, « Théophile, ce qui est arrivé sur un côté ou une facette ou un côté de la pièce de monnaie, c'est les hommes qui l'ont fait. C'est les hommes qui ont été méchants, qui étaient pécheurs, qui étaient jaloux, qui étaient malhonnêtes, qui étaient voleurs, qui voulaient faire mourir Jésus. Mais dans un autre sens, Jésus voulait. Et dans un sens encore plus grand, si je peux dire ça comme cela, Dieu l'avait déjà déterminé avant la fondation du monde. Dieu voulait que ce soit ainsi. Mais remarquez bien ce qu'il dit. Mais Dieu le voulait. Dieu l'avait déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. J'aime les deux facettes ici. La souveraineté de Dieu et la responsabilité des hommes. C'est ça que Dieu veut, mais malheur aux hommes qui le font. Comment on peut comprendre ça? Pas facile, hein? Il y a quelqu'un qui me livre à la mort, il aurait pu citer les autorités, il aurait pu citer Judas, il aurait pu citer Satan. Tous ces gens-là veulent que je meure pour des motifs très méchants, très mauvais, très égoïstes. Très orgueilleux. Ils veulent que je meure pour être débarrassé de moi. Mais Dieu a déterminé que je meure. Jésus a répété, je veux mourir parce que ça va emmener l'établissement du royaume de Dieu. Dieu, lui, le fait pour sa propre gloire. Dieu le fait parce que pendant toute l'éternité, les anges et le peuple de Dieu dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse, vont chanter les louanges, gloire et honneur à Dieu et à l'agneau. Ils vont recevoir de la louange, de l'adoration pendant l'éternité parce qu'ils avaient déterminé cela. Malheur, c'est pas des malheurs sur la terre. C'est malheur à l'homme. C'est un malheur de jugement éternel. C'est malheur à cet homme-là. Oh, il va avoir des malheurs. Dans quelques jours, il va aller se pendre, notre Judas. Il y a des malheurs sur la terre qui arrivent. Mais on pourrait dire, oui, il y a des malheurs, mais un jour, ça va arrêter. Non, le malheur est éternel pour celui qui livre Jésus à la mort. Et je crois que c'est malheur à l'homme par qui je vais être livré, mais malheur aux hommes à qui ils vont me livrer, aux autorités juives, malheur aux autorités romaines qui vont le faire mourir, qu'on va voir au chapitre 23, malheur à tous ceux maintenant, tous ceux qui rejettent Jésus, tous ceux qui repoussent Jésus, qui ne le voient pas comme le sauveur, qui ne le voient pas comme celui qui est venu établir le royaume de Dieu, malheur à tous ceux qui rejettent le fait que Dieu avait déterminé la mort de Jésus. Si on refuse d'accepter que Jésus n'est pas seulement mort de la main des hommes, mais il est mort de la main des hommes parce que Dieu l'avait déterminé comme cela. Les hommes n'ont pas changé le plan de Dieu en faisant mourir Jésus. Ils ont accompli le plan de Dieu. Et ça ne leur enlève pas le fait qu'ils sont méchants et ils vont être malheurs à eux pour l'éternité. Il faut faire attention. Hein? Dieu veut la mort de Jésus pour le bien. Judas et toute sa gang alentour, les autorités et Satan, les autres, ils veulent la mort de Jésus, mais pour le mal. Les deux veulent la même action, un pour la gloire de Dieu, l'autre pour la gloire des hommes ou la gloire du mal. Au verset 23, il dit « Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qu'il ferait cela. » Ils n'ont aucune idée de qui va faire cela. Ils n'ont aucune idée de savoir qui va livrer Jésus à la mort, qui va oser faire une telle affaire. Ils n'ont pas vu venir l'histoire. Ils n'ont pas vu venir que Judas était le méchant. C'est que Jésus le sait, lui. Jésus le sait. Dans Luc, je dirais que Jésus le sait, non pas à cause qu'il est Dieu, mais à cause que Jésus connaît les Écritures. On va le voir un peu plus bas dans le texte. Jésus connaît bien les Écritures. Il dit, le Fils de l'homme s'en va, il va en parler, afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Jésus, en lisant l'Ancien Testament, lui qui était un homme parfait, mais un homme, lui qui était rempli du Saint-Esprit, comprenait le plan de Dieu. Il savait qu'il devait être livré par un des siens. C'était marqué dans les Écritures. Ça avait été déterminé. Et ce qui avait été déterminé était dans les Écritures de l'Ancien Testament. C'était déterminé qu'il serait livré par un des siens. Un qui mangeait avec lui. Donc Jésus, il le sait que c'est ça. Et il sait que c'est Judas. Pas parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a vu venir, lui, l'histoire. Il voyait le cœur de Judas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça voit, qu'est-ce que ça perçoit, qu'est-ce que ça comprend. Un homme parfait, sans péché, rempli de toute la force, toute la capacité, toute la puissance de l'Esprit qui est en lui, sans aucune petite faiblesse. Il est complètement rempli de la puissance de Dieu. Et que regarde un Judas vivre avec lui pendant 3 ans, pensez-vous qu'il pourrait voir que Judas est un faux, est un hypocrite, est un voleur? Je pense que Jésus, dans cette capacité-là qu'il a, il n'a pas besoin d'être Dieu, je crois. Il est Dieu. Ne vous trompez pas, là. Je crois que Jésus est Dieu. Mais dans Luc, c'est surtout le côté humanité qu'on voit. Jésus le voit, Jésus le sait, parce que c'était déterminé. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Théophile? Théophile, dans un sens, les hommes sont coupables, et malheur à eux pour avoir fait mourir le Fils de Dieu, pour avoir fait mourir Jésus de Nazareth, pour avoir fait sauver, mourir celui que Dieu avait envoyé. Malheur à ces hommes et ces femmes-là. Mais il dit d'une autre façon, Théophile, tu dois comprendre que si Jésus est mort, c'est parce que Dieu le voulait et Jésus le voulait. Notre bon Père du ciel, il était déterminé de tout temps que Jésus viendrait et qu'il serait livré à la mort par un des siens, afin que la Pâque s'accomplisse dans le royaume de Dieu, afin que le royaume de Dieu vienne, afin que Dieu soit éternellement exalté, glorifié. Seigneur, les hommes accomplissent ton plan. Pas avec les mêmes motifs que toi. Toi, ton motif est pur, 100% pur, infiniment pur. Les hommes ont des motifs tortueux parce que leur cœur est tortueux. Mais nous avons la conviction profonde que ce qui a été déterminé va toujours s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen.